à tous, jeunes de Baltimore, restez branchés, car il est grand temps de retrouver le Cornichon, spécialement réalisé par Airplay, la live du Trafford. Et moi je suis...